Le temps du cœur. Ingeborg Bachmann et Paul Celan, correspondance. Cinquième et dernière émission. Page choisie par Julie Amint. Traduction de Bertrand Badiou. Lait noir de l'aube, nous le buvons le soir. Le buvons à midi et le matin, nous le buvons la nuit. Nous buvons et buvons. Nous creusons dans le ciel une tombe, on n'y est pas serré. Un homme habite la maison, il joue avec les serpents, il écrit. Il écrit quand il va faire noir en Allemagne, Margaret, tes cheveux d'or. Écrit ses mots, s'avance sur le seuil et les étoiles tressaillent, il siffle ses grands chiens. Il siffle, il fait sortir ses juifs et creuser dans la terre une tombe. Il nous commande, allons jouer pour qu'on danse. Lait noir de l'aube, nous te buvons la nuit. Te buvons le matin puis à midi, nous te buvons le soir. Nous buvons et buvons. Nous creusons dans le ciel une tombe où l'on n'est pas serré. Un homme habite la maison, il joue avec les serpents, il écrit. Il écrit quand il va faire noir en Allemagne, Margaret, tes cheveux d'or. Tes cheveux cendres sulamites, nous creusons dans le ciel une tombe, on n'y est pas serré. Paul Celan. Fugue de mort. In Pavot et mémoire. Traduction Jean-Pierre Lefebvre. Édition Gallimard. 1998. Munich, 5 octobre 1958. Paul, cher Paul, je suis restée silencieuse si longtemps et ce n'est pas faute d'avoir énormément pensé à toi. Car garder le silence, dans une période durant laquelle je n'aurais pu écrire qu'une lettre qui n'aurait pas dit ce qui se passait effectivement, me paraissait plus honnête. Ces mois d'août et septembre, ils ont été pleins de doutes, et puis cette chose nouvelle qui est arrivée. Te souviens-tu un après-midi, lorsqu'après avoir quitté la rue de Longchamp, nous sommes allés boire un Pernod ? Tu m'as demandé en plaisantant si j'étais tombée amoureuse. Ce n'était pas le cas alors. Et puis plus tard, c'est arrivé, d'une façon si curieuse. Seulement, je ne peux pas en parler en ces termes. Il y a quelques jours, je suis rentrée de Carinthie, où j'étais récemment. Mais non, il faut que je commence autrement, que je le dise sans m'attarder. Ces derniers jours ici, les premiers à Munich, Max Frisch est venu me demander s'il était possible pour moi de vivre avec lui. Et maintenant, c'est décidé. Je vais rester encore 3 mois à Munich et puis je déménagerai à Zurich. Paul, si seulement tu étais là, si je pouvais parler avec toi. Je crois, je peux te le dire, nous le savons bien, qu'il nous est presque impossible de vivre avec quelqu'un. Mais comme nous le savons, comme nous ne nous leurrons pas et comme nous essayons de ne leurrer personne, il peut quand même sortir quelque chose de bon de l'effort fourni chaque jour. À cela, maintenant, j'y crois quand même. J'aimerais connaître tes pensées quand tu n'auras plus cette lettre entre les mains. Pense à quelque chose de bon pour moi. Quand viendras-tu? Veux-tu que je vienne quelque part? Viendras-tu me voir? Dis! Je peux te voir ouvertement, et je vais toujours pouvoir te voir. De cela aussi, je me réjouis. Envoie-moi maintenant tes poèmes, tout ce qui est nouveau. Et dis-moi un mot. Ingeborg. Paris, 8 octobre 1958. Ma chère Ingeborg, je dois penser à quelque chose de bon pour toi, dis-tu. Je l'ai volontiers, cette pensée. Je l'ai à l'instar de ta lettre qui, exprimant le bon avec une telle évidence, me devance en montrant comment y penser. As-tu aussi pu travailler? N'oublie pas que tu avais l'intention de m'envoyer quelque chose, de la prose ou des poèmes. Je dis à mon cœur de te souhaiter du bonheur. Il le fait volontiers, de lui-même. Il t'entend croire et espérer. Paul. Zurich, 8 février 1959, 4 mois après. Paul, j'aimerais absolument te voir et je me demande si nous ne ferions pas mieux de nous rencontrer à Zurich. C'est parce que ce serait plus simple pour Max s'il y avait une rencontre entre lui et toi. Il m'a prié, il y a longtemps déjà, de ne pas le tenir à l'écart. Je ne sais pas si je m'explique bien. Il sait ce que tu représentes pour moi. Et il verra toujours d'un bon œil que nous nous rencontrions, à Bâle, à Paris ou autre part. Mais il ne faudrait pas que je lui donne le sentiment que je t'évite en sa présence ou que je l'évite en ta présence. Dis-moi comment toi, tu ressens les choses. Je peux m'imaginer que ce n'est pas facile pour toi. Peut-être même sera-t-il difficile d'établir un contact. Mais une reconnaissance réciproque devrait être possible. Et tu n'as absolument pas à craindre que nous n'ayons pas assez de temps l'un pour l'autre à Zurich. Pour l'instant, je n'ai pas encore parlé à Max de notre désir de nous revoir, parce que j'aimerais d'abord connaître ta réponse. Je pense si fort et si souvent à toi. Ingeborg. Sils Baseggia, Suisse, 20 juillet 1959, plus de 5 mois après. Ma chère Ingeborg, Max Frisch était ici hier. C'était inattendu. Je n'y étais vraiment pas du tout préparé. La conversation fut brève, sans doute un instant seulement tel que nous l'avions espéré, lui et moi. Je ne vais pas bien. Je suis de nouveau complètement brouillé avec moi-même et avec tout. À quoi bon écrire? Et à quoi bon celui qui a fait entrer sa vie dans l'écriture? Nous rentrons à Paris dans quelques jours. Je t'en prie, écris-moi là-bas. Écris-moi souvent. À toi, Paul. Oeticon, 3 septembre 1959. Cher Paul, le Valérie est arrivé, le livre pour mon anniversaire. Il me fait tellement plaisir. Porte-toi bien, cher Paul. Ingeborg. Paris, 17 octobre 1959. Cher Ingeborg, le compte-rendu de Günther Blöcker est arrivé ce matin. Lis-le, s'il te plaît, et dis-moi ce que tu en penses. Paul. L'article de Günther Blöcker, dont parle Paul Celan, est très critique à l'encontre des poèmes de son dernier recueil, Grille de paroles, faisant même référence à ses origines pour expliquer son rapport singulier à l'allemand. Zurich, 9 novembre 1959. Cher Paul, j'ai fait un saut en Allemagne et je suis rentrée avec un méchant rhume de cerveau qui m'a empêché de te répondre immédiatement. Et voilà qu'autre chose m'empêche maintenant de te répondre comme je l'ai toujours fait, car tout est assombri par mon angoisse et mon désarroi depuis que j'ai connaissance de la lettre que Max t'a écrite. J'aurais pu empêcher que la lettre parte, mais je persiste à croire que je n'en avais pas le droit. Et il va donc bien falloir que je supporte les jours qui viennent dans l'incertitude. J'aimerais retourner au point de départ et te donner ma réponse, indépendamment de tout cela. Mais elle m'échappe presque. Non pas parce que je manque d'autonomie, mais parce qu'à mon sens, le nouveau problème est en train de submerger le premier. Blöcker t'a-t-il répondu, de quelque manière que ce soit, et quoi ? Qu'il lui arrive, à l'aventure et de la façon la plus frivole, d'être blessant dans ses critiques, je le sais depuis que j'ai eu à subir la même chose de sa part après mon deuxième volume de poèmes. Y a-t-il une autre raison à cela, cette fois-ci? L'antisémitisme en est-il la raison? Après la lettre, je l'ai pensé, moi aussi. Mais je n'en suis pas sûre, c'est pourquoi je te demande s'il t'a répondu. Permets-moi de reprendre les choses par un autre bout. Paul, je crains souvent que tu ne perçoives absolument pas à quel point on admire tes poèmes. À quel point leur effet est grand, vraiment. Et qu'on essaiera toujours, rien qu'à cause de ta célébrité, permets-moi d'employer pour une fois une seule ce mot et ne le refuse pas, de la minimiser, de n'importe quelle façon. Et puis finalement, il y a cette attaque sans motif, comme si ce qui est exceptionnel n'était pas supportable, pas tolérable. J'aimerais tellement t'appeler pour toutes ces raisons à la fois. Mais cette fois-ci, je recule devant le téléphone, parce qu'on ne peut se parler que si brièvement, et que je ne sais pas dans quelle disposition je vais te retrouver. Cher Paul, dans cette lettre, je ne te dis pas assez ce qui m'agite. Puisse ton intuition la compléter jusqu'à ce que je te revoie. À toi, Ingeborg. Paris, 12 novembre 1959. Je t'ai écrit le 17 octobre, Ingeborg. Dans la détresse. Comme le 23 octobre, il n'y avait toujours pas de réponse, j'ai écrit également dans la détresse à Max Frisch. Ensuite, comme la détresse perdurait, j'ai essayé de vous joindre par téléphone plusieurs fois. En vain. Tu étais parti, je l'ai appris par les journaux, pour le congrès du groupe 47 et tu avais récolté là-bas un grand succès. Ce matin est arrivée ta lettre. Cet après-midi, la lettre de Max Frisch. Ce que tu as écrit, Ingeborg, tu le sais. Ce que Max Frisch m'a écrit, tu le sais également. Tu sais aussi, ou plutôt, tu l'as su un jour, ce que j'ai essayé de dire dans « Fugue de mort ». Tu sais, non, tu l'as su, et il me faut maintenant te le rappeler, que ce poème est aussi pour moi ceci, une épitaphe et une tombe. Celui qui écrit ça sur la fugue de mort, ce que Blücher a écrit à son sujet, celui-là profane les tombes. Ma mère, elle aussi, n'a que cette tombe. Max Frisch me suspecte de vanité et d'ambition. Il répond à mon mot de détresse par divers aperçus sagaces et hypothèses relatifs à divers problèmes qui se posent à l'écrivain. Ainsi, par exemple, celui de notre rapport à la critique littéraire en général. Non, je ne peux pas m'empêcher de citer encore une phrase de lui. Car s'il devait y avoir ne serait-ce qu'une étincelle de ça, il s'agit des mouvements de vanité et d'ambition blessés. Dans votre colère, alors l'invocation au camp de la mort, me semble-t-il, serait illicite et monstrueuse. Voilà ce qu'écrit Max Frisch. Toi, Ingeborg, tu me fais prendre mon mal en patience en me parlant de ma célébrité. Aussi dur que ce soit pour moi, Ingeborg, et c'est dur pour moi. Il me faut maintenant te prier de ne pas m'écrire, de ne pas m'appeler, de ne pas m'envoyer de livres. Pas maintenant, pas dans les prochains mois, et pas pendant un long moment. J'adresse la même prière, par ton intermédiaire, à Max Frisch aussi. Et je t'en prie, ne me mettez pas dans la situation de vous renvoyer vos lettres. Je ne vais pas laisser cette lettre s'allonger, bien que maintes choses se présentent encore à mes yeux. Je ne peux pas ne pas penser à ma mère. Je ne peux pas ne pas penser à Gisèle et à notre enfant. Je te souhaite de tout cœur bien des choses, Ingeborg. Adieu. Paul. Plus d'un an et demi plus tard, Paul Celan écrit à Ingeborg Bachmann. Paris, 27 septembre 1961. Ma chère Ingeborg, je n'ai pas écrit depuis longtemps. J'ai omis de te souhaiter un bon anniversaire, de te remercier pour tes livres. Laisse-moi me rattraper maintenant. Je me dis, je le dis maintenant aussi à Max Frisch, que ce qui s'est passé entre nous ne peut être qu'un malentendu, difficile à débrouiller peut-être, mais pas plus que cela. Essayons donc de le dissiper ensemble. Je crois au dialogue, Ingeborg. Oui, parlons ensemble. Je fais cette demande aussi à Max Frisch. Bien des choses affectueuses. Paul. Zurich, après le 27 septembre 1961, lettre non envoyée. Cher Paul, il y a quelques minutes, nous nous sommes parlé au téléphone, mais je voudrais quand même essayer de répondre d'abord à ta lettre. Je ne sais pas si ce sont des malentendus qui sont apparus entre nous ou quelque chose qui demande une clarification. Je ressens les choses autrement. L'intrusion répétée du silence, l'absence de réactions les plus simples, quelque chose qui me laisse désemparée parce que je ne peux me livrer qu'à des suppositions dans lesquelles je m'égare forcément. Et puis de nouveau, j'ai des nouvelles de toi, comme maintenant. J'apprends à quel point tu vas mal et je reste aussi désemparée que je le suis devant ton silence. Et je ne sais pas comment en sortir, ni comment je pourrais être de nouveau vive et vivante dans mon rapport à toi. Parfois, j'en perçois aussi très clairement les raisons. Deux ou trois choses, des événements survenus pendant cette mauvaise période, l'an passé, que je ne comprends pas encore aujourd'hui, et que je m'efforce d'oublier parce que je ne veux pas admettre leur existence. Parce que ces choses, je ne veux pas que tu les aies faites, dites ou écrites. Tu viens de nouveau de me faire peur en me disant au téléphone que tu devais faire amende honorable pour quelque chose. Je ne vois pas bien ce que tu entendais par là. Mais je suis de nouveau anxieuse. Moins parce que quelque chose pourrait de nouveau me rendre un peu amère que parce que je sens combien ça me décourage dans mon amitié. Une amitié qui va au-delà de la compassion et du souhait que tout change en mieux pour toi. Ces sentiments ne me suffisent pas et ils sont certainement aussi insuffisants pour toi. Cher Paul, ce n'est peut-être de nouveau pas le moment opportun pour te dire un certain nombre de choses qui sont dures à dire. Mais il est vrai qu'il n'existe pas de moment opportun, sinon j'en aurais eu le courage. Je crois vraiment que ton plus grand malheur réside en toi-même. Ce qui est affligeant et qui vient de l'extérieur est certes du poison, mais ça peut être surmonté. Ça doit pouvoir être surmonté. Maintenant, il ne dépend que de toi de l'affronter de façon appropriée. Tu vois bien que toutes les déclarations, chaque intervention en ta faveur, aussi pertinente puisse-t-elle avoir été, n'ont pas atténué ton malheur. À t'entendre parler, j'ai chaque fois l'impression que tout est comme il y a un an, que pour toi ne comptait pas tout ce que beaucoup de gens se sont efforcés de faire, que seul comptait le reste, ce qui est saleté, sarcasme et insanité. Tu perds aussi des amis parce que les gens sentent que ce qu'ils font compte à peine pour toi, que ne compte pas non plus l'action de te contredire alors qu'elle leur semble nécessaire. Parmi toutes les injustices et les offenses auxquelles j'ai été en butte jusqu'à ce jour, les plus graves ont toujours été celles que tu m'as infligées, toi. Tu dis que tu ne voudrais pas nous perdre, ce que je traduis à mon usage par ne pas te perdre. Vu ton rapport superficiel avec Max, disons-le donc honnêtement, pour ne pas nous perdre l'un l'autre. Et j'en arrive à me demander qui je suis pour toi. Qui après tant d'années? Un fantasme? Ou une réalité qui ne correspond plus au fantasme? Car pour moi, beaucoup de choses se sont passées, et je voudrais être celle que je suis aujourd'hui. Mais me perçois-tu vraiment aujourd'hui? C'est justement ce que j'ignore et qui me désespère. Cher Paul, tu dis qu'on te dégoûte de tes traductions. Moi-même, j'ai eu à subir la méchanceté des traducteurs professionnels. Je ne peux donc pas croire que les ragots, les critiques se limitent à toi, car je pourrais tout aussi bien croire qu'ils se limitent à moi. Et je pourrais te prouver, comme tu pourrais me prouver, qu'il en est ainsi. Ce dont je suis incapable, te le prouver complètement. Parce que je jette les papiers anonymes et autres torchons. Parce que je crois que je suis plus forte que ces torchons. Et je veux que tu sois plus fort que ces torchons qui ne veulent rien dire, rien du tout. Mais de toute évidence, tu ne veux pas l'admettre que cela ne veuille rien dire. Tu veux que ce soit plus fort que toi. Tu veux te laisser enterrer dessous. C'est là ton malheur. Tu veux être la victime. Mais il dépend de toi de ne pas l'être. Essaie donc de me comprendre pour une fois. Je ne crois pas que le monde puisse changer, mais nous, nous pouvons changer. Et je souhaite que tu puisses changer. Tu me diras que j'exige trop de toi pour toi. Je ne le nie pas, en effet, mais j'exige aussi trop de moi pour moi-même, C'est pour cette raison que j'ose te le dire. On ne peut rien exiger d'autre. Je ne pourrai pas accomplir pleinement cette tâche, et tu ne pourras pas pleinement l'accomplir. Mais sur la voie de cet accomplissement, beaucoup de choses deviendront caduques. Je pense beaucoup à Gisèle, même s'il ne m'est pas donné de pouvoir le manifester très ouvertement, encore moins devant elle. Mais je pense vraiment à elle, et j'admire en elle une grandeur d'âme et une ténacité que tu n'as pas. Pardonne-moi de te le dire à présent, mais je crois que son abnégation, sa belle fierté et sa patience représentent plus pour moi que tes plaintes. Tu lui suffis dans ton malheur. Mais elle ne te suffirait jamais dans un malheur. J'exige d'un homme qu'il se contente de se sentir conforté par moi. Mais toi, tu ne lui accordes pas cette possibilité. Quelle injustice. Ingeborg. Paris, 21 septembre 1963, près de 2 ans plus tard. Cher Ingeborg, à présent je t'écris juste quelques lignes pour te demander de m'écrire à ton tour quelques lignes. Fais-moi donc savoir, je te prie, comment tu vas. J'ai quelques années pas très réjouissantes derrière moi. Derrière, comme on dit. Dans les prochaines semaines paraîtra un nouveau volume de poèmes de moi. Le document d'une crise, si tu veux. Mais que serait la poésie si elle n'était pas cela aussi? Et ce, de façon radicale. Écris-moi donc, je t'en prie, quelques lignes. Je te souhaite bien des choses, Ingeborg. Cordialement, Paul. Paris, 10 mai 1970. Ma chère Ingeborg, je ne sais si ma lettre vous rejoindra. Je pense que vous avez appris la terrible nouvelle. Je voulais tout de même vous écrire. Le jeudi 16 avril, lorsque mon fils Eric a été déjeuner comme d'habitude avec Paul, il s'est rendu compte qu'il était à nouveau très mal. Je lui ai moi-même téléphoné le lendemain. Et jusqu'au dimanche 19 avril, les amis qui ont essayé de le joindre ou qui l'ont vu n'ont fait que me confirmer la crise dans laquelle il était à nouveau. Dans la nuit de dimanche 19 à lundi 20 avril, il a quitté son domicile pour ne plus jamais revenir. J'ai passé 15 jours à le chercher partout. Je n'avais aucun espoir de le retrouver vivant. Je ne l'ai su que le 4 mai. Paul s'est jeté dans la Seine. Il a choisi la mort la plus anonyme et la plus solitaire. Que puis-je dire d'autre, Ingeborg? Je n'ai pas su l'aider comme je l'aurais voulu. Eric va avoir 15 ans le mois prochain. Je vous embrasse. Gisèle Tselan. Paul Tselan avait 49 ans. Un peu plus de 3 ans plus tard, Ingeborg Bachmann meurt dans un hôpital de Rome après avoir été retrouvé brûlé dans son appartement. On ne saura jamais vraiment comment cela est arrivé. La thèse de l'accident reste la plus probable. Ingeborg Bachmann avait 47 ans. C'était Le temps du cœur. Ingeborg Bachmann et Paul Tselan, correspondance. 5e et dernière émission. Page choisie par Julie Amint. Traduction de Bertrand Badiou. Avec Paul Tselan, Bruno Pavio, Ingeborg Bachmann, Elodie Hubert, Gisèle Tselan, Delphine Augereau. Narration, Hélène Losseur. Prise de son et mixage, Éric Boisset. Assistance technique et montage, Pierre Henry. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Étienne Vallès. La correspondance entre Ingeborg Bachmann et Paul Tselan est publiée aux éditions du Seuil.